Yo, 21h30, la soirée commence. Comme d'habitude, Pascal est arrivé en avance. Il entre calmement, sur quelques pas de temps. Il ouvre le bal, tout le monde suit et ça recommence. Oh, une meuf le trouve sexy, elle jette sa canette de Pepsi, l'offre du whisky. Pascal est gêné, mais un peu trop tenté. Pascal obéit, Pascal boire ou quoi. Pascal fait des bitches, sa joie de pourrie l'entraîne à faire des bêtises. Voit les bouteilles de Sky, pratique toute la nuit à force de boire. Pascal vomit, Pascal vomit sur les nerfs, les gardes le foutent dehors et tout est fini. Il court, il court, il court, il court, non. Pascal court, il court sans sourire, un tout. Il court, il